Cours numéro 1. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الرسالة الجديدة شرح الصدور في تحريم رفع القبور للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وقبل أن ندخل في الرسالة نقرأ شيء من سيرة هذا الإمام، وهو معروف مشهور عند طلبة العلم، ونقرأ من كلام الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: الإمام الشوكاني هو العالم الفاضل الشيخ محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني، فهو من بلاد اليمن من علماء اليمن رحمه الله. قال: ولد في ذي القعدة عام 1172 إليني رحمه الله 1172. قال: وتوفي في جمادى الأخيرة عام 1250 رحمه الله، عاش 78 سنة رحمه الله. قال: حفظ القرآن وجوده على جماعة من المعلمين بصنعة. قال: وحفظ كثيرا من المتون في الفقه وأصوله وفي النحو والبلاغة والمنطق. أما المنطق لا حاجة له، لابيرسون لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. أما نحن الآن الحفظ لضعيف والاجتهاد لقليل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. إصاصة مونتخ طريقة أهل العلم: أولا حفظ القرآن، لأن أعظم الكتب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فطالب العلم يبدأ بالأهم، يحفظ القرآن. celui qui peut pas يحفظ شيء منه، ça veut pas dire on peut pas en délaisser tout. لا، بعض الإخوة vont pouvoir faire juz amma، certains des autres frères vont pouvoir faire le quart, le tiers، بعضهم la moitié، بعضهم entier facilement. فهذا ça dépend de la personne et ça dépend de l'âge كذلك. أما les enfants فيعودون على حفظ القرآن، les enfants من بداية يحفظ القرآن، لأن l'enfant il comprend pas، il peut pas faire des dourous et il fait des efforts حتى يحفظ القرآن. أما les adultes قد يصعب على بعض الناس، على بعض الإخوة، فهذا il fait ce qu'il peut، يحفظ شيء من القرآن et en parallèle il apprend son din، خاصة التوحيد والعقيدة، et il apprend comment adorer Allah، الفقه، comment faire الصلاة إلى آخره. et si mais على هذا الحال يبشر، c'est un طالب علم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. c'est ça l'essentiel de jama'a، l'essentiel c'est de mourir على العلم et de mourir être sincère dans ce que tu fais. Et celui qui peut l'apprendre par cœur, fa l'essentiel c'est les efforts. والعمل. Tout ça c'est une hujja pour la personne ou contre la personne. فدائما العلم والعمل avec une bonne niya. الإمام الشوكاني حفظ القرآن، إلى حفظ القرآن ثم كثيرا من المتون. هذه طريقة أهل العلم. petite رسالة، un petit livret، يعني dans une matière، un matn في التوحيد، un matn في النحو، un matn. ça c'est مهم جدا، c'est ça العلم. العلماء ils ont écrit ces motons إلا لتحفظ. si tu peux pas l'apprendre répète-le كثيرا، lis-le souvent. كالواسطية لشيخ الإسلام ورسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأصول ثلاث، كتاب التوحيد قاعد أربع، كذلك دي متون مفيدة في اللغة كالأجرومية مفيدة جدا، وفي الفقه عمدة الأحكام إلى الطيب إلى السهل جدا. tout ça يحتاج إلى des efforts et une méthode. لا تحفظ متنا إلا دك تفيني النطق، ولا تحفظ متنا إلا ستتقن النطق. أما مجرد هكذا à la fin il ne restera pas grand chose. Amma, tu commences à mettre 10 pages, toi tu laisses un autre, 5 pages tu laisses, à la fin, fin de compte tu n'auras rien du tout. Al-Arba'in, maintenant l'Arba'in al-Nawawiyya, il est muhim jiddan. للأسف كثير من الناس اللي حفظته هذا سيعني تقصير كبير في العلم لأن سحفظ صبيت سطو علم صبيت سكي كيف تغستي بإذن الله عز وجل العناية بالحفظ بغمكريك دائما تراجم العلماء دائما يكمنس بار صنو صانسانس إلى آخره ثم dès qu'il débute son programme fil ilm مباشرة الحفظ إلى حفظ كذا كذا كذا ثم يزيكسبيك ça te montre que العلم اللي basé sur الحفظ. L'imam Sanani, il n'est pas parti faire da'wa. Et il n'a aucun hib. Pas de doros, pas de hib. Ah, ben, awalan les provisions, les bagages. Awalan al-ilm, awalan. Qala, wa al-munadara, wa ghayriha min al-funun al-mukhtalifa. Hadi, c'est une tariqa tayyiba. Il apprend dans chaque matière en matin. Hadi, c'est une tariqa muhimma. Lianna, dans chaque matière, tu auras une base. Que tu as mémorisé en ta. Ça c'est muhim. Dans le fiqh maintenant, tu as des hadiths par cœur. Salat, dans l'oudou, dans tahara, dans zakat, dans le hajj, dans le siyam, il a akhiri. Dans le tawhid, tu as des adillah par cœur. Après, les choses que tu lis, les choses que tu apprends, les choses que les cours que tu vas faire, ça va être fondé sur cette mémorisation. Et ton ilm va s'élargir jiddan. Amma un jour un dars dans le fiqh, le lendemain un dars dans le tawhid, après un peu d'arabe, aucun hiv, aucune méthodologie. Tu vas voir que ça va se mélanger, il ne restera pas grand-chose. Labud min manhadiya fi l'ilm. Wa labud min hib. Ce ilm, il est basé sur quelque chose, des fondements solides. Amma mujarrad des cours, pas de révision et l'akhiri, il ne restera pas grand-chose. Et c'est mohib les cours, la chèque. Lakin les cours avec l'hib. Et nous, on est mokassir, lakin, nata'awul. Qala, thumma hadara majalis al-ulama. Fatalaqa anhum shuruh hadhihi al-mutun. Donc il a appris. Il a mémorisé Hadara Majalis al-Ulama. Al-An, il commence les cours. Inda al-Ulama, Inda Ahl al-Ilm. Tu n'étudies pas chez tout le monde. Tu n'écoutes pas tout le monde. Là, la personne qui maîtrise, Tahdur Inda. Amma, étudier chez un Jahal, là, tu vas te faire que du mal. Tu vas te faire que du mal. Houa, il n'a pas d'ilm. Mabalo qui va donner à un autre. Ou étudier chez un Munharif, un Zahir. Houa, son ilm, il ne lui a pas profité. Comment il va profiter, Anta? Et Houa, il se fait du mal à lui-même. Comment tu veux qu'il te fasse du bien, Anta? Inna hadha al-ilm din. Fandoro amman ta'khudu dinakum. Qala ibn Sirin, rahimahullah. Qala, fatalaqa anhum shuruh hadhi al-mutun wa ghayriha min al-mu'allafat. Il a pris des mutun. Tout mal, il a la mémorisation, il a bout de la compréhension. Fal-ilm, ça a deux choses. Deux choses essentielles, la mémorisation et la compréhension. Al-hifz ou al-fahm. Un fahm, une compréhension sans mémorisation, ce ne sera pas un ilm rasikh abadan. Il aura du mal à citer les adillah. Et son ilm, il ne sera pas qawi abadan. Un hifz sans fahm, kadhalik. Il a du hifz. Il connaît le Coran par cœur. Mais une petite mas'ala, il ne pourra pas parler. Liana, il ne sait pas comment placer les arguments qu'il connaît par cœur. Hada, il sera hazil, kadalik. Talib al-ilm, il se concentre al-hifz ou al-fahm. Hatta yaftah Allahu alayhi. Qala, wa badala juhdahu fi dhalik hatta tafawwaq. Il a atteint au niveau fi kathir min ulum al-sharia wa al-lugha al-arabiyya. Bi-idnillah azza wa jal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a facilité, kadalik, wa badala juhdah. Atteindre un haut niveau fil ilm, c'est pas facile. Labud min juhd kabir. Labud de sacrifice. Labud un effort. Un gros effort. Famit la haoula al-a'imma. Tu lis leur biographie, t'as adjab les efforts qu'ils faisaient. Kadalik la régularité. Anna, mit la haoula, ils ont atteint un haut niveau, les annaoum, ils sont réguliers. Fa al-istimrar, c'est muhim, jiddan. Al-istimrar, et faire des efforts. Ou al-insan, il fait des sacrifices. Labud des sacrifices sur le sommeil, labud des sacrifices sur la dunya, labud sabr ala al-a'da, labud t'auras des épreuves. Yubtala al-mar ala qadra dini, qala Isa wa salam. La chaque anna talab ilm, c'est une ibada azima. La personne, il se fait éprouver, lakin al-sabr. Qala, fi kathir min ulum al-sharia wa al-lugha al-arabiyya, na'am. Saint imam, rahimahullah, il a maîtrisé kathir min al-ulum. Qala, wa ashtagala bit-tadris. والتأليف حتى لقي ربه ف فانتفع به خلق كثير. انظر لا لا لا ثمر الآن. ساسل فخوي. إلى فتزفق في التدريس والتأليف حتى لقي ربه. هذا العالم الآن depuis son enfance حتى سامور اللي في العلم. سادل فخوي فانتفع به خلق كثير. Beaucoup beaucoup de personnes انتفعوا به. في اليمن وفي خارج اليمن. حتى دي علماء أئمة إذا استفدوا لي جدا. كالعلامة صديق حسن خان رحمه الله صاحب الحطة كون لي avec الشيخ le soir. Pourtant il n'a jamais rencontré. لكن استفاد من كتبه. نحسبه كذلك والله حسيبه. هذه ثمرة الإخلاص. Et cette régularité ça montre l'ikhlas. لأن celui qui est pas régulier en général tu trouveras qu'il a un problème في الإخلاص. أما celui qui est sincère ça le pousse à continuer دائما. وانتشرت مؤلفاته بين المتعلمين في الأمصار والبلاد وهي كثيرة منها. نعم كتب الإمام الشوكاني سدي غفرانس الآن سدي غفرانس لأهل العلم ولطلبة العلم. قال ذكر منها من هذه الكتب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار وهو من أعظم كتب الإمام الشوكاني. ils l'ont imprimé une dizaine de volumes الآن. c'est un شرح على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمه الله. سألف في الفقه من أحسن ما ألف في الفقه avec المغني لابن قدامة avec المجموع للنووي التمهيد لابن عبد البر. ces livres ونيل الأوطار c'est des références في الفقه. كذلك من كتبه قال إرشاد الفحول في علم الأصول ودر الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. الدر النضيد يغصب لا كتاب التوحيد سليم مسائل أقول الليغ. لكن في الحقيقة كتاب توحيد يكفي. هذا الكتاب يقرأ هذا الكتاب خاصة أنتم avec les livres qu'on a fait مثل هذا الكتاب tu le lis أنت مجرد قراءة ça te fait réviser ça te fait réviser ce qu'on a vu et تستفيد c'est كلام إمام. Je le lis avec un frère, Ahsan. Vous lisez à deux, طيب. هكذا طالب علم. Attendez pas toujours un مدرس qui vous ouvre كذا وكذا. انت الان t'avances dans le علم, t'as fait plusieurs كتب. Il y a des choses tu peux lire. Un شرح دوسول التلات, t'as pas besoin d'un مدرس. الان, avec tous les livres que t'as fait et t'as compris. هكذا طالب علم. لا مانع, tu prends un autre livre, un دفتر, t'acras et dès qu'il y a une faïda, tu lis. Dès qu'il y a un ishkal, tu mets une note et tu demandes. وهكذا t'avances. للأسف نحن مقصر جدا في هذا. لكن هذا الكتاب ينتبه أنه حصل للإمام الشوكاني فيه بعض الزلات خاصة في التوسل. في التوسل فبدور النضيد الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن لا بأس ويجوز التوسل بالصالحين أي بذواتهم. هذا كلام يعني ليس صحيح وردوا عليه ils ont montré l'erreur ce qui est حق il le prend ce qui est pas حق يسأل. ça vous montre l'importance de طلب العلم. tu pourras différencier entre des choses justes et des choses fausses. l'importance كذلك de تحقيق أهل العلم et des شروح أن الدور النضيد الآن إلى des شروح إلى des تحقيقات أنه المحقق إلى نبه مسألة كذا il s'est trompé إلى آخره. Et c'est erreur, l'imam Shawkani, il voit que le tawassul bi al-dawat yajouz. Aïe, après la mort, les salafs n'ont jamais fait ça. Et le cheikh de l'islam, il a dit beaucoup de choses, il a dit que c'est une bid'a. C'est une bid'a. Et le délire, c'est que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, quand ils ont eu la sécheresse, il n'a pas été demandé, il n'a pas été voir la tombe du prophète, alayhi salam. Ça serait jaïs de demander tawassul bi dhat al-shakhs fa le prophète sallam awla bit tawassul lakin as-sahaba radiyallahu anhum personne n'a contredit Omar. Ils ont été voir al-Abbas lianahu il est vivant et ils ont fait tawassul bi du'a al-Abbas pas bi al-Abbas lui-même avec son invocation. Al-Abbas il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala fa hada huwa as-sahih fi hadhihi al-mas'ala muraji' tahqiqat ad-durr nadid yadhkurun hada. كذلك الإمام الشوكاني حصلت له الزلات في الصفات أحيانا يؤول الصفات على طريقة الأشاعرة سلوي كالو أو كذي في فتح القدير يرى هذا سنتفسير تفسير الإمام الشوكاني لكن في الصفات لدى الزلات كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن دي كون لي كتب أهل العلم سكي إغاق تدوى بالبخون يا أخي C'est une erreur, c'est une erreur. C'est un imam, mais un imam de sunna, lakin, il s'est trompé. Et n'a'taqid husn al-dhann bi hadha al-imam, annahu s'il aurait suivi le haq fil mas'ala, il l'aurait suivi. Lakin, c'est un être humain. Khassatan, l'entourage qu'il avait, ta'alamoun. Anna l'imam Shawkani, il avait un entourage de shi'a, de rawafid. فالزيدية كما تعلمون يزون في الصفات الانحراف وفي التوسل فلعله تأثر بهذا أما هو رحمه الله إمام من أئمة السنة لكن لفوت نشتلب أما كما يقول بعض الضلال من الحدادية أنهم يديزن مثل هؤلاء العلماء الشوكاني والنووي وابن حجر تدوى باليغ لوليف لأنهم يزون دي زغار هذا سيبا طريقة أهل السنة أبدا تتعدم أن بعض الناس يفو بالا ديفيرونس مثلا entre الإمام الشوكاني أو الإمام مثلا ابن حجر أو الإمام النووي يفو بالا ديفيرونس entre ces imams et سيد قد مثلا حتى بعضهم يعترض ils ont dit comment vous mettez en garde contre les livres de سيد قد vous lisez les livres de l'imam al-Nawawi. Il y en a pour lui, Sayyid Qutb, il a fait des erreurs, et l'imam al-Nawawi, il a fait des erreurs. On dira al-Dhalal. L'imam al-Nawawi, c'est un imam al-Sunna. Il s'est trompé. Il a des erreurs. Mais il est compté un imam al-Sunna. Il a appelé à la Sunna toute sa vie. Amma Sayyid Qutb, il est compté un imam al-Dhalal. Comment tu compares ça avec un imam al-Sunna? Toute sa vie, il est dans la Sunna. Sayyid Qutb, il dit, il y a des wujud, il y a des hulul, il y a des sifat, il y a des jabr, il y a des ta'ans dans les anbiya. L'imam Nawawi n'a jamais ta'an sur un avis. Lakin il s'est trompé dans des choses. On donne la différence. Il compare imam min a'immat sunna avec imam min a'immat al-dalal. Kadalik on ferra contre les morts et les vivants. Ha'oula ils sont morts là. Ils seraient vivants, la'bout min al-nus. Ils seraient vivants maintenant, le ulama il l'aurait conseillé. Et il lui montre, il a arrêté comme ça, il fait tawba, l'an il est mort. Cette position qu'on a l'an, annahu on ne prend pas son khata. La ifrat ou la tafrit. Pas de ghulou, pas de taqsir. أن بعض الناس يزون التقصير يلي تول موند مبتدع السنة يلي تو بعض الناس يزون والعياذ بالله غلو حتى من أئمة السنة إلى دي الدود الإمام الشوكاني نو الإمام النووي نو الإمام ابن حجر نو البيهقي نو الذهبي نو لا الوسط العدل من كتبه كذلك مفيد المستفيد في الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد إن رسالة مفيدة أنه يرد على أهل التقليد أي لسويفي أفغل كذلك رسالة شرح الصدور في تحريم رفع القبور قال وهي التي نقدمها للقراء سيست رسالة نحن بإذن الله قبالية في هذه الأيام يعني مختصرة كما تعلمون كالكوباج لكن يعني مفيدة جدا قال بدأ المؤلف هذه الرسالة ببيان وجوب الرد عند الاختلاف إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنهما الحكم العدل الذي يفصل بين الحق والباطل عند الاختلاف الإمام الشوكاني رحمه الله أن إلى إكخيصة رسالة شرح الصدور في تحريم رفع القبور ست رسالة فرد أن من علماء الزيدية سين برانش دي شيت أن واحد منهم إلى أوتوريزي هذا البناء على القبور أي دو كونستروير سور لي طونت الإمام الشوكاني إلى الرد avec une رسالة شرح الصدور في تحريم رفع القبور avant الرد sur la personne il va montrer un manhaj à avoir. Il va montrer à moi, à l'imam Shawkani, je te dis que c'est haram. Lui, il vous dit que c'est halal. À l'imam Shawkani, il va leur montrer, tu ne prends pas ma parole ou la sienne. Il va leur montrer qu'on revient tous au Coran et à la Sunna. Ah, c'est une tariqa tayyiba. Un test, un manhaj, il va te servir pour toutes les masaïl. À chaque fois qu'il y a une divergence, mais idnillah, un test, tu profiteras de hadal kalam. C'est une risala muhimma jiddan. Et ça vous montre. العلم كذلك une risala c'est devenu une référence في بابها مثلا t'as un khilaf يا أخي prends le temps tu jmais les adillah في le bab ça sert à rien de parler ممكن qu'un délil que tu connais pas il est contre toi tu vas dire مثلا cette chose est juste tu sais pas qu'il y a un hadith في مسند أحمد أو في صحيح البخاري il montre que la chose que t'as dit est juste c'est là est juste enfin, comment tu peux parler tu contrôles le prophète عليه السلام tu sais même pas فأنت t'as un khilaf أولا tu jmais tous les adillah مثلا on a un khilaf propager le 1 في التصوير أولا on rassemble les adillah في التصوير مثلا on cède la risala de l'imam al-wadi'i مقبل ابن هادي رحمه الله il a cité la plupart des hadiths ثم des versets du Coran أو avec les hadiths des versets du Coran ça va ensemble ثم أقوال العلماء pour rapport à ces hadiths la compréhension des ulama pas ma compréhension à moi ou à toi مثلا نحن va citer des hadiths أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Bien sûr, ça reste des photographies ou qu'il y a une âme. فالآن, ce délit, tu tu n'inquiètes le frère, tu dois m'expliquer pourquoi tu fais sortir la vidéo pour la da'wa de ce dalil. Alors, il peut te dire, lakin, c'est du direct. C'est quoi le dalil? Le prophète sallam, il n'a pas dit direct ou indirect, c'est une surah. Est-ce que quand on filme, c'est une photo, c'est une image? Oui, khala, c'est interdit, ça rentre dans le hadith. Ouais, kada, tout doucement, t'avances ma'a. Alors, il peut te dire, il y a une maslaha. Tu lui fais peut-être qu'il y a une maslaha, lakin, il y a une mafsada, ça contredit sunnah. Kadalik, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'an, la da'wa elle a toujours avancé. Ben la da'wa elle était beaucoup plus forte que maintenant. Il n'y avait pas de vidéo. Mais tout doucement. Enfin, nous comme l'an des masaïl khilafiyya, que ce soit la vidéo, que ce soit les élections, que ce soit le jam'iyyad, ça fait des dégâts, li anna hadhi l'umour c'est pas maîtrisé. Ce manhaj, inda l'ikhtilaf, il n'est pas maîtrisé, inda ba'd an-nas. Amma tu trouves l'ulama, à imma tu sunna, ils ont eu des khilaf. Ah ben ici c'est adillah, l'autre ici c'est adillah. La personne, il revient au haq. Nahnou, cette risala, bi'idnillah, le début, ça va être, elle va nous montrer à Dattarik. Mais nahnou, on avait fait une kalima à fkur fi hada, al-mu'amalat inda akhtilaf al-ulama, wa kalam shawkani fi hada al-babi, il est qawi jiddan. Nakmil hada, qala, bada al-mu'allif rahimahullah, hadhi risala, bayan wujub al-rad inda l'ikhtilaf ila kitab illah, wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa annahuma al-hakam al-adl, alladhi yafsir bayna al-haq wal-batil inda l'ikhtilaf. Anna, ça ne va pas dire que Sheikh Fulani Lascaul il a raison. Qu'un autre il a tort, là. Al-Fasl, c'est Al-Haq. C'est pas le Sheikh il est plus vieux, ou il a plus de livres, ou il a plus d'élèves, ou il est plus connu. C'est pas ça Al-Fasl. Entre lui, et ce qui va différencier, ce qui va trancher entre lui et un autre, c'est pas ça. Al-Fasl, c'est est-ce qu'il a un délit d'Amla ? Ba'd-Nas, ils ont Hakada. Il n'a même pas lu les arguments. Vu que c'est Sheikh Fulani, il dit il a raison. Al-Fasl, c'est Al-Haq. Si tu ne sais pas, dis Allahu A'lam. Qala wa istadalla ala dhalik bil kitab wa sunnah wa ijma'. Na'am. Il va nous citer les arguments du Coran, la sunnah et l'ijma' pour montrer la méthodologie, la méthode à avoir na'am 'ind al-khilaf. Qala wa anna al-ulama wa in tafawatu fi tahammul al-mas'uliyya wa fil fadl wal jazaa' tab'an li tafawutihim fi al-'ilm wal imama wal wajaha. Qala fa la yasih an yata'allal bi dhalik fi ja'l ba'dihim hujja 'ala ba'd. هذا الآن كلام شيخ العباد لا بي كلام شيخ الإمام الشوكان أنه ولو إلى أن يفو plus élevé dans العلم أو إلى أن statut plus élevé ça veut pas dire qu'il aura forcément raison par rapport à un autre savant. نحن parle dans une مسألة أما en général la chèque que celui qui a le plus haut niveau il aura plus souvent raison لكن dans une مسألة précise l'autre il peut avoir raison et l'autre il s'est trompé. Et vous vous rappelez de la parole de l'imam al-Mu'allimi, rahimahullah. On l'a cité souvent ma'akum. Il a montré, rahimahullah, en Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve les gens avec l'erreur de certains savants. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve, ayyuha al-muslim, avec une erreur. Est-ce que tu vas suivre le Coran ou le Sunnah ou tu suis Cheikh l'islam? Allez, c'est une épreuve pour toi. Si Cheikh l'islam s'est trompé, tu dois revenir au Coran et à la Sunnah. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبخزرتم الدين بالعلم قال فلا يصح أن يتعلل أي يتعلل أي il prend comme excuse أنه il a plus de علم أو il est plus vieux أو il est plus connu لا يجوز هذا dès qu'il y a un خلاف entre علماء si on choisit un قول dès que tu choisis tu dois avoir un argument قال عند التنازع في المسائل العلمية نعم. الآن وبعرف المسائل العلمية تعلمون أن الخلاف لا حاصل الخلاف لا حاصل بين أهل العلم كثير من المسائل فتي أوبليجي دابور اون بوزيسيون يا أخي تي أوبليجي دابور اون منهج في هذا لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا تقصير الإنصاف العلم قال وإنما يوجب ذلك التعاون بينهم فيأخذ القوي بيد الضعيف ويكشف عن غامض المسائل وأدلتها ويدله على طرق الاستدلال حتى ينهض ويصير في عداد العلماء التعاون كذلك لا بيرسون يبروفيت با انه مثلا يكون الادله او يكون الخلاف il essaie de son but c'est de faire tomber fulan je veux lui montrer que j'ai raison et comme ça il se tait comme ça là تواضع la modestie et التعاون si le frère il sait pas le but c'est de lui montrer. C'est pas le but de, il s'est trompé et khalas, tu lui as montré qu'il avait tort et t'informes tout le monde et là, il y en a aujourd'hui t'as raison, demain tu te trompes, ya akhi. Et lui aujourd'hui il s'est trompé, demain il a raison. Qala, thumma dhakara mas'ala tahrim raf' al-qubur wa al-bina'a 'alayha 'ala sabil al-mithal. Vous avez compris l'un, anna cette mas'ala, c'est un exemple et c'est un rad sur la personne qu'on a cité. Il va te citer au début de la risala le manhaj quand il y a un khilaf. va citer l'exemple, la réponse aux Zaydi. Il va citer l'exemple Tihrim Rab' al-Qubur. Enfin, il va citer ses arguments, il va citer l'ijma', il va expliquer et à la fin, il va faire une conclusion. C'est ça l'ilm. Et l'imam Shawkani, il ne va pas dire moi, abadan, qala Allah, qala Rasul. Avec la langue arabe, avec des règles de usul, il va lui montrer Anna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de construire sur les tombes. Comment tu prétends, toi, dire que Yajouz ? Celui qui donne l'importance au Coran, à la sunna et au ilm, Allah il le refait. Et il refait Allahu, alladhina amanu minkum, alladhina utul ilm drajat. Amma, suivre la majorité, suivre fulan sur fulan, tu ne seras pas élevé, abadan. Ce qui élève, c'est l'ilm, ou l'ikhlas. ليوضح بذلك طريقة العلماء في الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة نعم صحيح important إذا نمضخ أن العلماء كما يغفينوا كتاب إلى السنة دكين خلاف قال فذكر الأحاديث الكثيرة في تحريم رفع القبور والبناء عليها ووجوب هدم ما كان مبنيا عليها وتحريم اتخاذ القبور اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ولعن من فعل ذلك à l'imam Shawkani pour expliquer sa position, son avis, il va citer des hadiths du prophète عليه السلام. Ça va donner de la quoi à son avis. قال وبين وجه الاستدلال بها على المطلوب والحكمة التي رعيت في ذلك. قال وأفاض في ذكر الفتن التي تنشأ عن هذه البدع وأنها ذريعة إلى الشرك الأكبر فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وجمعنا وإياها في دار كرامته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الشوكاني إذا أخذ la décision de رد وهذا تستفيد أن s'il y a une erreur et la personne peut la رد il رد t'es obligé من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لكن بالشرط c'est que la personne soit على علم. الإمام الشوكاني il était على علم dans cette مسألة فإلا t'es obligé de montrer s'il y a منكر. Et la personne essaie de propager ce munkar et toi t'as les capacités de répondre, t'es obligé de répondre. Khassatan si personne parle, t'es obligé. Lakin bishart, c'est que tu sois à l'ilm. Thumma l'imam Shawkani, avant de rentrer dans la mas'ala des qubur, il va citer un manhaj. Annahu si un khilaf entre nous, on doit faire kada kada kada kada. Une fois qu'on est d'accord, il cite l'exemple. À la fin, tu seras convaincu. C'est ça l'ilm. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا كثيرا أن المصنفين قديما وحديثا يفتتحون كتبهم ورسائلهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الإكسبليكاسيون دو بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت كثيرا معنا راجع شرح الأصول الثلاث qu'on avait fait avec Cheikh ibn Uthaymeen rahimahullah, on avait expliqué hada en détail. Qala alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi al mutahhirin wa sahbihi al mukramin wa ba'd. Qala rahimahullah fa'lam annahu idha waqa'a al khilaf bayna al muslimin fi anna hadha al shay bid'ah aw ghayr bid'ah أو مكروه أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم أو غير ذلك أن الآن va commencer à expliquer cette مسألة ce منهج si y a خلاف entre les musulmans c'est quoi ton comportement أنت بعض الناس ils ont خالف من صوفية وروافد وزيدية ils ont خالف في هذا ولا عبرة في الحقيقة نحن في الحقيقة ce خلاف il nous touche pas et on le prend pas en compte il y a إجماع أهل السنة. Lakin, ahyanan anta, tu peux avoir faire à haoula. Un membre de ta famille, un proche, tu veux le convaincre. Fa labud, que tu connaisses cette méthodologie hadi. Comment faire face au khilaf? Kadalik, ahyanan, il y a des khilafs bain ahl sunna. Dans une mas'ala, fi rajul, dans une mas'ala fiqhiyya, dans beaucoup de choses. Fa t'es obligé de connaître, ayyuha al-muslim, cette mas'ala. موقف المسلم موقف طالب العلم من خلاف أو من اختلاف أهل العلم قال فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية unanimité des savants depuis l'époque des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام الشوكاني cite jusqu'à son époque القرن الثالث عشر le 13e siècle. الآن نحن الآن ونحن 15e siècle الخامس عشر نفس الشيء اتفاق العلماء unanimité des savants على ماذا قال أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. S'il y a une divergence entre deux musulmans sur une mas'ala diniya, مثلا واحد يدي هذا حلال واحد يدي هذا حرام أو واحد يدي ça c'est مكروه l'autre يدي لا c'est مستحب أو واحد يدي ça c'est سنة l'autre يدي لا c'est بدعة أو واحد يدي لا فلان ça مبتدع l'autre يدي لا c'est سني. إجماع العلماء on doit revenir إلى القرآن وإلى السنة. هذا واضح. Personne n'a le droit de khalif في هذا. وهذا c'est pas مجرد un قول. C'est pas مجرد une parole. Cette chose, on doit y croire et l'appliquer. قال الناطق بذلك الكتاب العزيز أي القرآن. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم تنازع فلان مع فلان. Ils sont plus d'accord. فإن تنازعتم في شيء. Si on n'est plus d'accord dans une chose, من الدين. وهذا حاصل. تعلمون أن les personnes, on n'a pas la même compréhension. On n'a pas la même science. فلا شك الخلاف يحصل. C'est من طبيعة البشر. أنهم يختلفون. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. L'être humain, دائما, il sera en divergence. C'est une fitna, c'est une épreuve. Alors, on a la solution. La solution, فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله, أي إلى القرآن. القرآن, c'est كلام الله. والرد إلى الرسول. Et on revient au prophète صلى الله عليه وسلم, dans son vivant, il revenait à lui directement. Et après sa mort, on revient à sa sunna. قال ومعنى الرد إلى الله سبحانه. الرد إلى كتابه ومعنى الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته. قال وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. لا أكن خلاف بين جميع المسلمين, إجماع الأمة على هذا. قال فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر. On est tous d'accord أن si on est en divergence dans un sujet quelconque, c'est dit. On doit revenir au kitab ou au sunnah. Ça va impliquer un si deux savants. Un dit ça c'est halal. Un autre il dit c'est haram. Si tu as compris un test de mas'ala, tu n'as pas le droit de dire Fulan il a raison. Son avis passe avant lui. Ou le second, son avis passe avant le premier. Tu n'as pas le droit. Là, Fulan il peut se tromper, Fulan il peut se tromper. Un, tu es obligé de revenir au kitab et à la sunnah et tu tranches. Fulan, il a raison parce que il y a un verset du Coran qui dit et tu le cites ou parce que le prophète sallam il a dit dalil et ma kitab et ma sunna. Qala wa in kana akthar minhu ilman wa akbar minhu sinnan ou aqdam minhu asran. Trois choses. T'as pas le droit de faire passer la vie d'un savant sur un autre ou là aussi ce savant il est plus âgé ou il a plus de ilm. Ah oui, il est plus ancien que lui. Plus ancien que lui, maintenant, t'as pas le droit de faire passer la vie de Cheikh l'Islam de Taymiyyah sur la vie de Cheikh Ibn Baz. Sans dalil. La mas'ala, elle est pas avec l'époque, là. La mas'ala, c'est quoi le dalil de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et c'est quoi le dalil de Cheikh Ibn Baz? Kadalik l'âge. Ça, c'est pas tariq Ahl Sunnah, abadan. Ijma' qu'on revient au kitab Ahl Sunnah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a beaucoup plus de ilm que kathir min al-ulama. خاصةً ceux qui sont venus après lui. هذا لا ينكره أحد. Est-ce que ça veut dire que à chaque fois que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a un avis et tous ceux qui sont venus après lui, un d'entre eux maintenant il a un autre avis, forcément on va prendre le compte Cheikh l'Islam. Abadan. Lakin, tu peux te poser la question, t'as l'image des fois, il y a des personnes qui khalif. C'est très simple. Il y en a celui qui n'a pas la capacité de trancher avec l'ilm, sa hawa va le pousser vers autre chose. Ba'danas, il n'a pas la capacité. Et il n'a pas la modestie de dire Allahu A'lam. Amma ba'danas, ils ont un manque de cette modestie, enfin, il ne veut pas admettre qu'il ne connaît pas. Et il n'a pas l'ilm pour trancher. Il lui reste les passions. Imma là, Fulan, il est connu. Imma là, il est plus vieux. Ce comportement, ce n'est pas le comportement d'une personne de science, Abedan. ولا وصل الحق مثلا خلاف entre deux savants مثلا شيخ الألباني خلاف avec شيخ العثيمين هو يدي نعم سي شيخ الألباني il a pas de dalil rien peut-être qu'avec une recherche On va s'apercevoir, na'am, c'était Cheikh Albani qui avait raison. Un autre jour, il se trompera. Léana, il avance en ilm. Fan tabih de délaisser ses qawa'id muhimma. قال لأن كل واحد منهما فرض من أفراد عباد الله. Une personne peut se demander pourquoi je ne ferai pas passer la vie de Foulain avant Foulain. لأن كلهم فرض من أفراد الله. Tous c'est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ils peuvent se tromper. Tous ils peuvent avoir juste. Si c'est des savants de la sunna, ils veulent tous la vérité. Enfin, pourquoi tu ferais passer la parole avant l'autre? Et pour le haqiqa, si tu réfléchis, c'est un mauvais comportement par rapport à ce savant. Matalan, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, ils ont divergé. On fait passer la kalam de Cheikh Al-Albani sans prendre de délit. C'est un mauvais comportement face à Cheikh Al-Uthaymin. Ils sont ses efforts, rahimahullah. Peut-être que la mas'ala, il a passé des jours dessus. Même s'il s'est trompé, tu dois prendre la mas'ala bi'ilm. Matalan, je prends la vie de Cheikh Al-Albani parce que dans le Coran, kada, dans le hadith, kada, et tu respectes l'autre savant de la sunna. Hakada, na'am. Amma, sans aucun ilm, là, il s'est trompé et il prend l'autre. Hada, c'est pas min al-adab abadan. ومتعبد بما في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد. C'est un serviteur d'Allah. Il doit parler avec un dalil comme l'autre il doit parler avec un dalil. On n'a pas le droit de prendre un avis sans dalil. Les nations savants, lui-même, c'est un serviteur, lui-même, il doit suivre les adillah. Tu n'as pas le droit de prendre un avis sans dalil. Et tu n'as pas le droit de faire passer un avis sur un autre sans dalil. قال وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده. أن الفت qu'il a pris de l'âge depuis son enfance, il est dans l'ilm, il a atteint haut niveau dans l'ilm, ça ne veut pas dire que khalas, on prend le kalam sans adilla. Et lui-même, ce savant, il pousse les gens à prendre al-qawl bid-dalil. Kam min kalam al-imam al-albani wa al-imam ibn Baz wa al-imam ibn Uthaymin wa al-imam Muqbil ibn Hadi wa ghayruhum kathir, anhum ils insistent à la talabat al-ilm, ils prennent le kalam bid-dalil. Prend le kalam bid-dalil. Et lui-même, s'il s'est trompé, il revient. فلا يجوز التقليد أو يا خلاف أرجح on dit que stable est juste بلا علم. قال ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد بل العالم كلما ازداد علما كان تكلفه زائدا على تكليف غيره. نعم plus la personne a du علم plus il est plus concerné هو. Le fait de suivre les adillah, de parler avec علم لأن il est à la علم, il n'a pas d'excuse. ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. العالم إلى responsabilité كبيرة. Et chaque personne selon son علم إلى responsabilité. قال عز وجل لتبيننه للناس. Ça vous montre qu'un celui qui a du ilm, il doit faire da'wah selon sa capacité. Et il doit appeler au ma'ruf et interdire le munkar selon sa capacité. Il a cité un deuxième verset. Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allah min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nas fil kitab. Ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Bal celui qui ne montre pas, Allah subhanahu wa ta'ala wa'adahu bihada al-wa'id al-shadid. Annahu il est mal'oun. Il est maudit. قال يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون. الإمام شوكاني الآن il te montre le rang du savant et il te montre que le savant lui-même il doit suivre l'adillah et le savant lui-même il doit suivre cette sharia من باب أولى il doit parler avec dalil et nous on prend ce dalil et si il parle pas avec dalil ou il s'est trompé ou le dalil n'est pas à sa place nous on doit pas le suivre comme ça y a-t-il. C'est ça qui veut nous expliquer l'an l'imam Shawkani. Dans la haqiqa, l'an il te montre l'importance du dalil. Qala, rahimahullah, falaw lam yakun liman razaqahu Allah tarafan min al-ilm illa kawnuhu mukallafan bil bayan linnas lakana kafiyan fima dhakarnah min kawni al-ulama la yakhrujun an da'irat at-taklif. L'imam Shawkani, l'an il lui montre qu'il y a ce mufti qui vous montre que c'est autorisé, lui-même, c'est un serviteur, il doit suivre les adillah. Les adillah qu'il va citer sur l'interdiction de construire sur les tombes. Il y en a beaucoup de gens, مثلاً, ça arrive beaucoup, tu lui dis, هذا حرام. Ça c'est haram. Il dit, لكن شيخ فلان, il a dit. Avec cette explication, tu peux le prouver que le shir lui-même, il doit s'écarter de ce haram. comme il va montrer les mêmes choukani par rapport à cette personne qui a fait le fatwa pour construire sur les tombes. Enfin, nous, le fait que Cheikh Foulal, il s'est trompé. Si c'est un sunni, il ne fait pas exprès de faire ce haram. Ah, ou cette erreur, ah, ou là, il a fait un effort, il s'est trompé. Mais nous, on a un comportement, on ne le suit pas. Avec le respect à un savant de la sunna. Lakin, le fait de le suivre, là. Et ce n'est pas un manque de respect de ne pas le suivre. Ils ont une idée. Si tu délaisses la parole de Cheikh Foulal, c'est qu'Annaka, tu ne le respectes pas. Et si tu réfléchis un peu, si on suit ton raisonnement bâtil, et maintenant on dit là, on suit quand même le shir, on sera écarté d'un kalam d'un autre shir, on ne l'aura pas respecté. Adam min dalik, si un dalil, on s'est écarté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'a pas respecté, et là c'est grave. Kam fi kutub al-fiqh, al-ulama, li kitab al-mughni, li kitab al-majmou', li al-nawawi. Tu vas voir comment il rajah. Est-ce que Haoula ne respecte pas les savants ? قال بل يزيدون بما علموه تكليفا وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا نعم لأنه إلي على علم une personne qui est à la علم c'est pas comme une personne qui sait pas parce que à la علم il a pas d'excuses contrairement à un autre il peut avoir des excuses ou excuser dans certaines choses قال كما حكاه الله سبحانه عمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا شك أن ينفرق entre celui qui fait un péché et il sait pas ou il s'est trompé et celui qui fait un péché ou une مخالفة et il est à علم قال وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لهم مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه بسبب هذا الله لعنهم وغضب عليهم قال ويدرسونه ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه الله سبحانه وتعالى اللي زعمه à cause de quoi أنهم ils ont les capacités de savoir la chose لكن يخالف بعمد وبعناد c'est l'orgueil qui les a égarés c'est pas le manque de علم قال وكما ورد في الحديث الصحيح إن من أول من تسعر بهم جهنم العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي قال الشيخ العباد ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وانظر تعليق الألباني عليه في صحيح ابن خزيمة il y a beaucoup de hadith dans ce sens l'ibra c'est pas que connaître فقط لا connaître et appliquer اما celui qui applique pas فسعين ça devient tout contre lui والعياذ بالله فالآن t'as une faïda من أهل النار il y aura des gens qui ont du علم مثل هذا إن أول من تصعر به جهنم العالم ils ont des connaissances لكن ça suffit pas l'ilm le ilm هذا ça t'aide à faire si tu fais pas le ilm il n'a plus aucune utilité abadan il y en a beaucoup de gens ils ont des connaissances لكن la différence c'est al-amal enfin les deux ça va ensemble ilm ou amal amal ou ilm قال وبالجملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية نعم خلافا ما يعتقد الصوفية والروافض أهل الضلال تقدم معنا في كتب التوحيد كثيرا أن هؤلاء يبونس كو لا بيرسون سي لاتان او نيفو خلاص يسور من التكليف il est plus concerné هو par الشريعة هذا سي من الضلال المبين أما أهل السنة لا le alam il a un haut niveau plus il doit suivre le sharia et ça doit être un exemple pour les autres il y en a les gens ils ont une bonne image de lui ils le suivent et s'ils se trompent dans une chose on n'a pas à prendre son qawla badal avec tout le respect qu'on a pour lui c'est un alam et la sunna lakin nahnu notre qudwa la première c'est la sunna du prophète عليه الصلاة قال بل يزيدها عليه شدة ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل il y a des choses maintenant العالم il est concerné الجاهل il n'est pas concerné prends l'exemple de Al-Da'wah. Al-Alim, c'est obligé pour lui de montrer le haq et patient. Al-Jahil, s'il n'a pas l'ilm, il ne peut pas. Enfin, il ne parle pas, fait Al-Hal. Ça vous montre qu'il y a des choses, Al-Alim, il est plus concerné que les autres. Chacun par rapport à son ilm. قال لا يخاطب بها الجاهل ويكلف بتكليف غير تكليف الجاهل ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم هذا تقدم وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تمييز بعلم الشريعة tout ce qui vient d'expliquer لا ينكره أحد celui qui a le minimum de علم Il reconnaît هذا الأمر. قال والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقيما. قال في فتح الربان مستقلا. قال ومصنفا حافلا. وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث، بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه هو بيان أن العالم كالجاهل في التكليف أو في التكاليف الشرعية والتعبد بها في الكتاب والسنة. سأجي بالغموض الآن. إذا مدخل الناس الشيخ فمفتي كيف وضع في الفتوى il contredit les adilas du Coran et du Sunnah, lui-même il doit revenir au haq. Comment, ayyuha al-muslim, on te dit maintenant ça c'est haram, tu dis là, mais le sheikh Fulan il a fait. Le sheikh il est mujtahid, si c'est un sunni, s'il est à la khair, il est mujtahid et il veut le haq, il s'est trompé. Anta, t'as pas d'excuse, Anta. Khasata, si quelqu'un te montre. Il dit, akhi, taqillah, laisse son qawl, prends son qawl, il y a un dalil, il cite les adilas, il cite. Il s'entête. Hada, il est athim. Léana, il voudrait le haq, il reviendrait au haq. Qala. مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين أي رتبة العالم ورتبة الجاهل نعم يعني ديفيرونس انتخ لي دو نيفو لي دو كاتيجوري قال رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العالم منها قال بما لا يجب على الجاهل دوما بإذن الله نكمل إذا استطعنا استمقدمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك